vérité que l'homme doit posséder est dans la parole de Dieu. Une vérité très bénéfique et qui aide tous les hommes. C'est le nutriment que votre corps requiert. Une vérité dont l'homme devrait être équipé. Elle aide à restaurer son humanité normale. Plus vous pratiquez la parole de Dieu, plus vite votre vie s'épanouira. Plus vous pratiquez la parole de Dieu, plus la vérité de stature, vous verrez le monde spirituel plus clairement. Vous aurez plus de pouvoir pour triompher de Satan. Pratiquez la parole de Dieu et vous comprendrez la vérité. La plupart des gens ne se contentent que de comprendre le texte de sa parole. Comme les pharisiens, ils se concentrent sur les doctrines sans l'approfondir dans la pratique. La parole de Dieu est la vie. Comment cela est-il vrai pour eux? Ce n'est que par la pratique de la parole de Dieu que la vie de l'homme peut vraiment s'épanouir. Elle ne peut pas grandir par la seule lecture de la parole de Dieu. Elle ne peut pas grandir par la seule lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu, plus vite votre vie s'épanouira. Plus vous pratiquez la parole de Dieu, plus la vérité devient claire. Plus vous pratiquez la parole de Dieu, plus vite votre vie s'épanouira. Plus vous pratiquez la parole de Dieu, plus la vérité devient claire. Avoir la vie. Et...